Non, non, ne me tue-toi pas. Seulement du chocard, seulement je rappe pour toi. Mes Gaza, foutant le bazar. J'ai pas le temps d'écouter, faire le canard. Comme un cratère, devant ta gozère. J'arrive en bas, le nègre, affiche mon poster. Douma, Kalash, roi, hier. Bavette, soleil, plus pas, rien. Je rentre dans le game, poto c'est la guerre. Aucune pitié, comme ce bâtard d'Hitler. Déterre pour ma réussite, on aura pas de suite. On te prend, on te crève, y'aura pas de suite. À ta santé, putain de suite. Je suis lancé, body R8. Poste chargé, moteur V8, pistolet mitrailleur. UZG, je reprends, je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je suis calaché. Je suis calaché, je suis calaché. Je suis calaché. Je suis calaché. OG, rap game, industrie, industrie. OG, rap game, industrie, industrie. 013, je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Parle pas, fais ton pare-balles. Vouloir jacter. Hagar, Bédal, on les a médal. Meurs de chien, frappe de palcal. Je vais te casser ton cul. Fa baby, pour moi, c'est pareil. C'est ça le rap, hein. Douma Kalash, Douma Kalash. C'est un rappeur de Savigny, lui. Ça vient top. T'as Kaïps aussi. J'ai des potes. Voilà, j'entends, hein, ça maille sec, sale crétin. Je veux plein de zéros sur le bulletin. Sur le bulletin, je veux plein de zéros sur le bulletin. Sur le bulletin, j'ai peu de temps vu mon teint. C'est en train, je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je suis calaché. Je suis calaché, je suis calaché. Je suis calaché. Je suis calaché. OG, rap game, industrie, industrie. OG, rap game, industrie, industrie. 013, je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Je veux plus de sous qu'au Qatar. Vas-y, tu vas dire au revoir. Je veux plus de sous qu'au Qatar, c'est tout ce que j'ai capté. Il y a plus de sous qu'au Qatar. Lui, c'est chaud, hein, ce qui vient. Il dit, je vais être sans pitié comme Hitler. Et le rap game, il part en couille. Après, il dit, propre chants qui sont à l'heure tout influencés en changement des conditions de la terre. Un mécanisme naturel mesurable qui peut expliquer le rapport de l'homme et le cosmos. J'ai pris la place, je suis pas tout seul, tu sais qu'on est tout part. Ils font les mecs blindés à croire qu'ils ont tout fait, plus blindé que le jar. Ils sont pas prêts. Non. Ils sont pas prêts. Tu peux continuer. Je vais tous les étrangler. Tous les étrangler. Ils sont pas prêts. Tu peux continuer. J'ai pris la place. Je suis pas tout seul. Tu sais qu'on est tout pas. Je m'entends pas. Là, ils font les mecs blindés à croire qu'ils ont tout fait, plus blindés que ça. Je m'entends. Ils sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Il dit l'idée de posséder le son électrique. Tous les étrangler. Ils sont pas prêts. Et de goûter. Laisse les faire les faroudeurs de l'emballage. On est même assez vite la passe avec ma bouteille de main tout sale. D'un champ n'existe pas. On prend, je l'ai pénétré. Il s'agit de zone où certains trop aiguisées. Phénomènes se produisent et s'introduit une charge électrique dans le champ électrique. Des forces agiront sur elle. Chaque atome porte une charge électrique, se trouve donc affecté par un action du champ d'un organisme, même un animal simple, cellule unique, tel que le glène de son propre champ édifie de la structure au moyen d'atomes de la molécule modifiant son champ incorporant au sang aussi un organisme complexe d'un champ composite. Somme tous les éléments constitutifs. Ce champ peut être mesuré comme un tout pour obtenir la saveur de la structure entière. La saveur de la structure entière. Et donc, Jérémy, tu prends un casque aussi. Effectuer la mensuration séparée d'organes. Bah, tu vas pas entendre le truc. Bon. Mais si, j'entends tout sur le casque. Parce que j'ai mis ça. J'ai mis ça, mais ça va pas. Tu vois, ça fait. Regarde, ça fait des. Martin. Hein l'organe, chaque élément constitutif. Qu'est-ce que tu dis? Propre de à développer le propre potentiel de tant qu'un résultat. Cette fonction beurre à étudier. Il chante, lui, il parle et entend rien. À l'amener à une existence. C'est pas très long. Un trou de micro-électrode dans un œuf de grenouille nouvellement Martin. Écrivez dans les. Lui, il commence, après moi, je commence. Mettre dans les tours derrière. Ou masque avant même. Deux tours de bras, tu rappes. Bof, t'as un corps de comment ça, tu veux de la peine sur la photo de classe. Et voltage dans les parties de l'œuf destiné à devenir le système nerveux au matériau l'œuf finirait à servir la fonction communication, manifestait déjà le voltage caractéristique de cette partie de l'organisme. Cela laisse penser que le champ vital a la faculté de l'organisatrice, qu'elle est en quelque sorte le patron qui fixe en forme en la fonction de l'organisme du voie du développement. Édouard Russell a emparé l'exemple unique de l'anticipation, a développé une thèse de qui vient apparaître sous le titre de Design for Destiny. Design for Destiny, qui dit Russell a dit que le champ comme un mécanisme intégrateur seulement modèle l'organisme constitué vivre après sa mort en tant qu'un âme. Et sur le magnifique découvre la preuve scientifique, l'âme aussi l'annonce de publicité, une couverture de livre de Russell. Mais je regrette un tel soin par le cas. Beurre a pris à partir de l'œuvre grenouille des mensurations qui lui permit de prédire et se formerait du futur cordon du nerveux. Toutefois, et prétend aucun moment que le champ vital de l'œuf était identique à celui de la grenouille d'adulte. Il devrait être la même, exister un avant-grenouille en tant que patron qui avait été-elle en tant que l'intelligence qui survivait en tant qu'âme. Et tous les indications dont le sens opposé, Beurre a montré qu'une modification du champ vital à rapport normal était signe d'une maladie, peine de débutant. Fournissant une image reflet électronique grisâtre ou certains détails détectables avant de devenir apparent. Quand la vie meurt, le champ meurt avec elle. Voilà. Bravo. Laisse-moi. Laisse-moi. Lui commence, après moi je commence, après en deuxième. Il fait son freestyle, moi je freestyle, après tu vois, c'est... Vas-y. C'est dans 7 minutes, hein. C'est pas tout de suite encore que ça commence. Ah oui. Ouais, donc Bastien, j'ai pas compris pourquoi il est parti. Je sais pas, moi Bastien je sais pas. Il part toujours de bonne heure. Mais il arrive de bonne heure aussi. Ouais, mais ça commence à 17h qu'il a enregistré. Oui, non, mais on peut dire que ça commence à 16h. Mais après... il est là à 3h30. Après, tu vois, chacun son choix après. Hein. T'as beau lui dire que ça commence à 16h, 16h30, non. Non, c'est vrai ou pas? Chacun son choix. Hein. Mais il aurait pu rester genre 2 minutes. Qui 17h jusqu'à 17h02. Après, c'est Adim, le numéro 2. Et après, c'est moi après. Mais là, ça n'a pas encore lancé le truc. Il est parti, ouais. Il n'est même pas sur les ondes encore. Tu vois, pour te dire, c'est chacun son choix, tu vois. C'est pas c'est comme ça. Il n'est jamais sur les ondes. Là, comme on dit, c'est le choix de l'autre, hein, tu vois. On peut pas juger, tu vois. On laisse la personne faire et quand il fait son freestyle, il part, c'est ça. Tu crois que je suis en train de juger là? Non, c'est pas ça, c'est juste que t'as vu, il fait son freestyle. Tu vois, lui aussi, il a des trucs à faire, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, t'as vu, on est être humain, tu vois. On laisse la personne faire, on est être humain, chacun est être humain. Tu vois, s'il a pas le temps de faire le freestyle, il peut faire la semaine prochaine, tu vois. Après, peut-être il y a des trucs à faire. Hein. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que pendant une heure, on prépare. Ouais. Et on est diffusé sur les ondes à partir de 17h. Ouais. Donc en gros, c'est à 17h que ça commence réellement. Ouais, je vois. Là, il a fait le truc, mais personne l'a entendu et personne va l'entendre. Peut-être il a un truc à faire, après, je sais pas. Après, hein. Sûrement. Peut-être il y a un truc à faire. Soit il doit voir ses parents, ou je sais pas. Moi. Peut-être. C'est pour ça que j'ai posé la question de pourquoi il part, tu vois. J'ai pas dit qu'il devait rester, j'ai dit pourquoi il part, tu comprends? Ouais, je vois, t'inquiète. Ouais. Non, en ce moment, je suis remonté, hein. J'ai eu affaire à des élèves spéciaux, puis les élèves ordinaires, c'est des enfants terribles. Au travail, là? Ouais, non, l'académie, non, c'est vraiment fini. Ah ouais? Ouais, j'en ai marre. Ah, t'as arrêté? Je continuerai pas ma période d'essai, en fait. Ah ouais, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais... Toi, t'es un 97, c'est ça? Ouais. Va bosser avec les écoles, ceux qui sont nés après les années 2000, tu comprendras. moi je suis en cuisine à l'ESA, tu vois, je suis en cuisine, moi, tu vois, je il y a des clients, tu vois, des clients, moi je fais des repas pour eux, tu vois. Ouais, mais il y a mille et une façons de bosser avec des gosses. Ouais, ceux qui sont nés dans les années 2000, c'est des enfants terribles. Après, tu vois, je dis un truc, moi j'étais au collège aussi en 2010, moi aussi je me reconnais, j'ai fait des bêtises, moi aussi, ouais, quand j'étais au collège. Après, je reconnais, t'as vu, on est tous passés par là, on était au collège, primaire, maternelle, on a fait des bêtises, tu vois. Mais moi, je sais que j'étais petit, je faisais des bêtises, je me rappelle. Là, j'ai 27 ans aujourd'hui, je reconnais, t'as vu, je travaille, mes parents sont fiers de moi, tu vois, ça, je rends la fierté de mes parents, tu vois. Quand moi, je faisais petit, je fais pas de bêtises, hein, c'est vrai, après, je reconnais. Mais pourquoi tu dis pas ça dans ton rap? Si tu dis ça dans ton rap, vraiment, les gens, ils vont t'écouter de ouf, hein. Ouais, ça, je vais faire tout à l'heure. Dis ça dans ton rap. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas besoin de parler de vêtements, de bling-bling, tout ça, dis soirée, authentique. Vas-y, je fais ça, vas-y, ouais. 2-3, vas-y, si, c'est vrai, c'est, t'as raison, je vais faire ça, je vais changer un peu, tu vois. Pas le rap que j'ai fait au début, quoi, je suis en 2024, là je vais changer un peu. Et puis voilà, tu vois. Ouais. Après je fais mon freestyle. Oh, hospitalisé. Et... Bonjour. Là il y a une place à côté de Jérémy. Ah ok, mais après quand tu parles, tu es météorique, c'est quoi? Météorique, quoi? Météorique, météorique. Oh, j'aurais été bourré. Pourquoi il tourne ma gueule, lui? Tu vas être chaud. Tu veux me mettre? Pas un bel. Toi, je t'ai vu il y a quelques jours, toi, dehors. Ouais. T'es normal. Ouais. Ah, bah, après, c'est mon père, ce bâtard, il me taille ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que son père, il l'a taille ici. Il l'a taille ici, plutôt. Bon, on a deux minutes, on y va. Hein. Ouais, ok. Sur ses pieds, c'est normal. Il va à l'église, quoi. Allez, oh, il va partir. Bon, on est prêt? On est à deux minutes. Bah ouais. Attends, genre, ça, c'est un micro? Martin, après, c'est moi, d'accord? Ouais, ouais. Martin, oui. Pour te dire, ouais, rappel. Adjim, il commence, après c'est moi le deuxième, après j'ai les autres tas, après, tu vois. Tu les notes, faire un papier, tu veux? Non, t'inquiète, dans mon cerveau, t'inquiète pas. Tu l'as en tête Ouais, je l'ai en tête, ouais. Ambre. Chacun okay. Son tour, tu vois. Et tu vas parler de quoi, Adjim? J'ai pas d'idée, là. Ça marche pas. Hein? Un, deux. Un, deux, voilà. C'est un micro, là, ça marche. Là, ça marche plus. Un, deux. Et là ça marche, là. Merci. Ok. Bon, j'ai des choses à dire, moi aussi. D'accord. Vas-y, tu vas parler de quoi? Vas-y, mets-toi un casque, mets-toi les casques. Mets-toi un casque, comme ça tu vas écouter. Tu veux te fixer le micro. Tu es prêt, Jérémy? Attends. Jérémy, tu es prêt? Ouais, moi je suis prêt, c'est bon. Oh, tout le monde est prêt? Ouais, ouais, okay. C'est bon, voilà, c'est bon, voilà. Prêt là, ça y est. Bon, allô? Tu présentes, c'est le 7, 8, là, 8. Bon, il faut que tu le mettes là, ah, ok. Tu peux présenter, mais parle avec l'autre, parce que celui-là, ah, vas-y, parle. Celui-là, il est pas très fort, il fonctionne, mais on n'entend pas. Genre, très fort. Les... Ouais, il faut pousser un peu. Mais là, il est à fond. Ouais. Est à fond. Ah, j'ai pas envie de pousser aujourd'hui. Bon, et on va commencer notre émission de... Celui-là, il y a moins besoin de mercredi. Pousser. Voilà, okay. Très bien. Allô. Tu peux présenter l'émission, là? Attends, toi, tu... Non, mais parle de l'autre côté. Attends, je t'installe le micro. Vas-y, Jérémy, tu présentes la radio, on est on air. Yes, I. Bienvenue sur Welcome to Metanoia. Avec, on a à côté. Tu peux te présenter en deux mots? Je m'appelle Iqbal Muzamel Hussein. Et j'ai juste deux mots à dire aujourd'hui. ceux qui foutent rien du tout, ceux qui foutent rien du tout, aller travailler en les lattes pour faire du jardinage, du jardinage. En plus, ça paye bien, ça. Ouais, je te jure. Mais moi, je travaille pour les lattes. Moi, je travaille pour les lattes. Tu touches combien? Je peux pas te dire, mais moi, je travaille en cuisine, les lattes. Moi, je travaille, tu vois. Pas te dire les gens qui travaillent pas. Moi, t'as vu, moi, je travaille. Ça fait 3 ans, je suis à l'ESAT. Ouais. Bientôt, je travaille, moi, à l'ESAT, tu vois. Ouais. Après, chacun fait son métier, chacun sa paye. Mais les agriculteurs, les vrais, là, ceux qui font l'agriculture dans les campagnes, ils sont bien payés de fou. Tous les métiers, c'est bien payé. Va voir les chantiers ouvriers, comment ils gagnent plein. RATP, tu prends le 616 et les trains qui... qui conduit le train, RRP, tout ce que tu veux, eux ils gagnent beaucoup. Ah ouais? Bah ouais. Ça, j'avais pas moi. Merci beaucoup. Les ouvriers, eux ils gagnent beaucoup. Merci beaucoup pour l'info. Demande à Martin, lui aussi il travaille, tout le monde travaille dans la vie. C'est ça, c'est le métier qui rentre, tu vois. C'est ça le thème, faut taffer, faut mailler, hein. Ah ouais, esprit capitalisme à fond, ouais. Tu vois. La santé aussi d'abord. Et la santé. Ensuite. D'abord la santé. Et après, c'est le ensuite le respect. Et le travail aussi. Ensuite, l'argent. Ensuite, l'argent vient après le respect. D'abord, c'est la santé, d'abord, je peux te dire. D'abord, c'est la santé. Ensuite, c'est le respect de soi-même. Et l'argent vient ensuite, après le respect. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Oui. Si tu n'as pas de respect, tu peux pas te sortir dehors. Tu vois ce que je veux dire? Non, la santé d'abord, c'est pas le respect, la santé d'abord. Si tu as la santé, tu peux bouger, marcher, parler. Si t'as pas la santé, je peux rien faire. Juste après la santé, c'est le respect. Parce que si t'as pas de respect, je peux pas sortir dehors. Tu peux pas parler avec des gens. Tu peux pas créer de l'amour. Je sais. Okay. Et alors, ça veut dire plein de choses, ça veut dire le respect, plein de choses. Ouais. Familier, tout. Ouais, tout. Tout. Ouvrier, tout, ça veut dire tout, le respect. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Belle introduction. Sur cette belle intro. Ensuite, on a une secrétaire, mais Isabella, sans micro, sans casque, donc on ne l'entendra pas. Ah ouais, On a aussi à côté... on a Mamadou. Tu les prêtes un peu ton micro, CJ? On a Mamadou, on a Mams qui vient nous rejoindre. Bonjour Mamadou, bienvenue. Peut-être pour la première fois ou c'est comment? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Tu veux parler de quelque chose en particulier, Mamadou, aujourd'hui? C'est moi qui parle. Ouais. Tu as un sujet en tête à partager avec le radio? La seule chose que je peux donner, le travail, c'est important. Ouais. Faut taffer, voilà. Mais quand tu es en bonne santé, tu peux taffer. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas taffer. Ça aussi, c'est bien. Exactement bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, la santé avant tout. Ouais, et pour être en santé, il faut de la joie. Ouais, il faut de la joie. Sans joie, on n'a pas de santé. C'est vrai. Et l'amour dans le travail aussi. Il faut des émotions aussi. Il faut les affects, les émotions. Ouais, il faut des affects. Non, tu sens quoi en ce moment, toi? Moi, je me sens bien, je me sens heureux. Ouais. Et c'est ton père qui t'a dit de t'hospitaliser? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tu vas pas bien? Ça, c'est personnel, ça, on n'a pas le droit de parler de ça. Ah, d'accord. Ah, non, mais c'est juste une question. Tu peux ou pas. Hein. Ici, on parle si on veut, mais tu as raison. Si tu veux pas parler, tu veux pas parler. Ouais. C'est tout. Tu peux parler autre chose. Tu veux parler de quoi, en fait, d'ailleurs? Mais j'ai déjà parlé de ce que je veux parler. Faut plus produire. Faut produire plus et gaspiller moins. Faut produire plus qu'on gaspille. Ouais, tu penses qu'on gaspille trop? Sarkozy, sort de ce corps. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Il dit Sarkozy, c'est autre chose. Il parle de. Oui, oui. Non, mais c'est autre chose. C'est là, il dit gaspiller. Il faut produire plus qu'on gaspille, c'est ça? Ouais, ça. Créer plus que détruire. Ouais. Faire des ponts à la place des murs. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu pourrais faire une chanson comme ça, non? Non, je ne sais pas chanter. Mais tu pourrais apprendre, tu as tellement de choses dans ton cœur à partager. Ah ouais, ouais. On va voir si j'arrive à chanter. Moi, toi, eux, et tous les Africains. Moi, toi, moi, eux, et tous les Maghrébins. Ouais, c'est bien. Bravo. Oh. Pas mal. Ouais, cool. C'est bien. Tu te lances. Et c'est pas moi qui a chanté ça, c'est sur YouTube. C'est sur Instagram, il y a un mec qui chante ça. Oui. Tu peux chanter une autre? Une autre chanson? Ouais. Je sais pas chanter, moi. Bah c'est pas grave, tu te viens de chanter. Si tu sais chanter, tu viens de le faire. J'avoue. Ouais. Non, je sais pas chanter. Bon, s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, n'hésite pas, tu prends le micro, tu parles, ok? Ici, on est là pour s'exprimer. Bonjour. Bon, Niaye, ça va? Bienvenue. Là, il y a une place, si vous voulez vous asseoir. Ou là-bas. Oui, dis-moi, je peux parler au micro, là? C'est bon? Dis-moi. Oui. Ouais, pour te dire, quoi, il y a Didier qui commence, Alim qui commence et moi je prends deuxième. Ok, non, c'est juste qu'on. Jérémy fait un tour de table pour présenter tout le monde. Vas-y, Jérémy, continue. Ouais. Donc on continue le tour de table. À côté, on a la pépite CJ qu'on ne présente plus maintenant, qu'on n'a plus besoin de présenter. CJ, c'est comment CJ aujourd'hui? Bien. Ouais. Yes, I. Pareil, à côté, on a un deuxième MC, maître de cérémonie. Ouais, ça va. L'homme du MTE, hein, le gars de Montreuil. Le gars qu'on ne présente plus aussi. Ouais. C'est comment? Ouais, ça va très bien, ça va. Super, tant qu'il y a la forme et la santé, le reste on gère. Ouais, ça va. Souhaite-moi santé et bonheur, le reste je l'achète. La santé, c'est important d'abord, c'est la santé. C'est pas de moi. Ouais. Je fais mieux, moi. À côté, on a... Dune. Et à part les dunes... De quoi? Présentation hors note? Parce que dune, c'est, pour moi, c'est les sables. Hein. C'est pas que les sables, ça évoque beaucoup de choses. Il faut fermer les yeux et imaginer les fleurs du désert, les oasis, les dattiers, la sérénité... Les figuiers, tout ce qui amène à la plénitude, à la paix intérieure. Et j'ai aussi quelque chose d'autre à dire. Le paradis, il n'est pas tout là-haut. Il est sur terre, le paradis. Ouais. Le paradis, il est sur terre. Tu es d'accord? D'accord ou pas? Ouais, je pense que le paradis, ici, même à la radio, là, maintenant. Ouais, et il est sur terre. Ouais, il faut le créer, le paradis. Ouais, c'est ça. Faut pas l'attendre. Voilà, ça vient pas tout seul. T'attends de mourir, puis tu vas mourir et puis un jour tu vas tomber au paradis. C'est pas comme ça marche. Ouais. J'ai une question, pourquoi je parle de ça à la radio? Là qui sont sensibles, tu vois. Faut pas parler de ça. Ah si, il peut parler de ça, pourquoi non? C'est Radio Libre, il peut parler de ça. Il y a déjà, ça peut être sensible pour eux, ils sont pas bien. Mais c'est Radio Libre, tu vois. Ouais. C'est Radio Libre, tu vois, qui parle d'ici, ici ou ailleurs, tu vois. Dans tous les cas, on est libre, tu vois. Ouais. Et tu vois, donc, tu vois, si ça commence comme ça, ça commence ensuite par les clans, par la division, et c'est tout ce que, en fait, le gouvernement veut de nous, tu vois. Donc, la meilleure façon, c'est, tu vois, de rester libre et de se respecter, tu vois. Non, c'est pas ça, parce qu'il parle de la mort, t'as vu, ça... Je sais, je suis un hypersensible aussi. Moi, t'as vu qu'on parle de ça, moi, j'aime pas, t'as vu, moi, ça me fait un truc, moi, j'aime pas qu'on parle de ça. Mais moi j'aime bien qu'il parle de paradis, parce que le paradis, c'est vrai, on nous apprend dans les religions que le paradis, il est loin, mais en même temps, et ça nous empêche de créer les paradis sur Terre. Pour moi, déjà, je suis sensible, pour moi, ça me gêne beaucoup. Ouais, mais imposer le silence. En quoi ça te gêne? Mais tu peux nous dire en quoi ça te gêne? En quoi ça vous gêne? Ça me gêne beaucoup. Moi, j'aime pas qu'on parle de ça. Moi, ça me gêne beaucoup. Mais qu'est-ce qui te gêne? Attends, frérot, laisse-moi, s'il te plaît. Moi, j'ai vécu plein de malheurs dans ma vie. Il y en a qui sont disparus. Moi, tu me parles de ça, moi, ça me fait des frissons pour moi. Moi, j'ai vécu plein de choses quand j'étais petit. J'ai vécu plein de choses. Là, je ressens des choses. Mais s'il te plaît, frérot, parle pas de ça, s'il te plaît. Moi, j'ai vécu plein. Quand j'étais petit jusqu'à maintenant, j'ai vu. Il y a plein de gens qui ont disparu de ma famille. Tu vois. Moi, ça me touche quand tu parles de ça. Ça parle de moi. Mais t'es pas le seul. Les problèmes font aussi partie du paradis. Ouais, mais c'est moi, j'ai de la famille. Ma grand-mère, elle est partie quand j'étais né, frérot. Dis-toi, moi, je suis en 97. Ma grand-mère, elle est partie après que je naisse. Tu vois. Moi, ça me touche parce que j'ai perdu ma grand-mère. De ma grand-mère maternelle, j'ai perdu. Tu vois. Et moi, quand je pense à ça, ça me touche. Pour moi, ça me blesse plus. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, frérot, tu vois. Mais lui, il savait pas, il a encore moins évoqué ta grand-mère, tu vois. On parle pas de ta grand-mère, on parle de paradis. C'est pour ça, il a pas évoqué ta grand-mère, tu vois. Mais ouais, on peut pas imposer le silence à quelqu'un, tu vois. Surtout... Même Doudou, je lui imposerai pas le silence, tu vois. Ouais. Tu vois, même lui, je lui imposerai pas le silence. Et même l'autre Cicera, je lui imposerai pas le silence. Ouais. C'est ouais. pas possible d'imposer le silence. En fait, si tu veux. L'instrument, on n'est pas une dictature en fait. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Tu en, en fait, si tu veux, l'instrument il cherche des problèmes. Demande aux policiers comment, comment ils sont heureux dans leur métier. Vu que l'instrument il cherche des problèmes, demande aux pompiers, aux policiers comment ils sont heureux dans la rue. Ils cherchent toujours des problèmes eux. Je sais pas si t'es au courant, mais Cyril Hanouna il s'est fait virer de, sa, ah oui. de son poste. Tu sais pourquoi il s'est fait virer? Non. Parce qu'il était contre la liberté d'expression à sa manière de faire son ouais. travail. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Ils l'ont viré parce que c'était un xénophobe, un raciste. Ouais, il était contre la liberté d'expression surtout. Mmh. Il empêchait les gens de s'exprimer. Il empêchait les gens de ouais, parler ouais. Dans son émission. C'est pour ça qu'il s'est fait virer. Et c'est qui ce bagarre ? C'est un animateur okay. de la télé. Voilà. Bienvenue madame. Ouais, non mais c'est vrai, on parle ici, on peut parler et on, c'est vrai qu'on parle pas de ta grand-mère là, on parle des paradis concept général. Non, parce que moi quand tu parles de ça, je ressens cette chose mais que ça, j'ai vécue. Oui, mais attends Martin, Martin s'il te plaît. On peut pas faire une équation paradis et quand ta grand-mère. Je veux dire un truc Martin. On parle ce qu'on veut ici. Martin, frérot, laisse-moi parler s'il te plaît. Eh, déjà je veux dire un truc, quand tu parles de ça, j'ai vécu plein de choses, il y a plein j'ai des gens qui sont ouais. disparus dans ma vie, dans ma... quand j'étais petit jusqu'à là, j'ai des gens qui sont disparus. J'ai perdu quelqu'un du pays aussi, tu vois, du bled. Pour moi, ça me touche. Mais en quoi le fait de parler de paradis ? C'est pour ça, moi, je ressens des choses, ça revient sur moi. Quand je parle ça, ça revient sur moi, le truc. Mais ça, il faut que tu le règles aussi personnellement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de parler du paradis, parce que ça te fait du mal. Ça fait quelque chose pour moi. On ne parle pas de toi, ni de ton histoire personnelle. Je sais, mais... On parle d'un concept général, et quelque chose que je trouve qui est très important. Pour moi, c'est gênant. De le sentir que le paradis, il est sur Terre, il n'est pas seulement ailleurs. Bah et puis il pense à ça et il a ça des droits. Ça peut gêner des personnes, ça peut être sensible aussi pour te dire, tu vois. Ce que je veux dire. Mais désolé, mais lui, ici, on est libre. Pas, lui, ouais. Hein, de ouais, pas je savoir. Sais, hein, c'est des sujets ouverts à tous. On ouais. peut justement ouais. Échanger sur des sujets même difficiles comme la mort ou la vie ou le paradis. Hein. Donc moi, j'ai trouvé ça très beau ce qu'il a dit. Il n'y avait rien de ciblé. Ouais. Attends, prends. On va continuer le tour, alors on va la continuer le tour. Mort, tout simplement, la vie après la mort existe-t-elle et sous quelle forme? Tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des idées, des échanges à ce sujet. Sous quelle forme? Sous forme. Moi, en tout cas, on m'a dit qu'au paradis, il y avait que des cages. Peut-être d'aura, peut-être positive, peut-être négative. Des cages? Ouais, des cages. Mais des non, cages. Y a d'aura. Des cages. Ouais, des cages. Mais non, il n'y a pas de cages. Au paradis, il y a des... Au paradis, il y a des houris, il y a des rivières de miel, des rivières de lait. MDR. Mais pourquoi pas ? Il y a des fleurs, il y a des champs verts, il y a le soleil, il y a la nature, il y a la rivière qui coule. Celui qui t'a dit que c'était des cages, c'est quelqu'un de pas très gentil, parce qu'en fait, dans ton esprit... Il met des choses difficiles. Je sais que c'est pas quelqu'un de très gentil. Oui. Il cherche que des problèmes. Mais c'est impatient, c'est impatient de vivre. Ah bah il faut oublier ce qu'il a dit alors. Mais surtout tout le monde se demande comment on y accède au paradis. Est-ce qu'on y accède directement par ce trou qu'on imagine qui conduit directement au paradis? Allô, tu imagines comme ça le paradis? Peut-être. Bonjour. Non, l'accession au paradis, c'est pas la même chose. Attends, explique-nous. Bah, accéder au paradis, on en parle souvent comme une expérience de vie après la mort. Lorsque quelqu'un est opéré, par exemple, et qu'il tombe dans le coma, il fait une expérience extrasensorielle qui le fait léviter en quelque sorte. Ce qui fait dire que il y aurait une vie après la mort. Donc tu as eu des expériences comme ça ou pas? Moi non, mais apparemment il y aurait eu des expériences, notamment en mettant par exemple un objet en haut d'un meuble dans une salle de chirurgie, et les personnes auraient vu ce meuble, cette preuve. En sortant de leur corps, c'est-à-dire qu'il y aurait comme une sortie du attendez. Corps. Allah, il existe, mais en fait, son, sa mission, c'est de protéger l'humanité, de protéger tout ce qu'il a créé. Ça doit être ça, en vrai. Attends qu'elle était en train d'expliquer sa vision de voyage au paradis. Okay. Il y aurait une lévitation, donc, autour, une sorte de sortie du corps, une sortie un petit peu... pas particulièrement violente quand on sort, mais qui permettrait de s'échapper très loin, de se promener. Et puis, il y a ceux qui arrivent à re-rentrer dans leur corps et ceux qui n'y arrivent pas. Et ceux qui y arrivent, c'est difficile, c'est douloureux apparemment de rentrer à nouveau dans son corps. Pour la réincarnation. Réincarnation, oui. Non, c'est pas douloureux. Ça pourrait. Pas long micro parce que tu n'entends rien. Sinon, c'est pas douloureux, je l'ai déjà fait moi. Tu l'as fait déjà? Ouais. Tu peux nous raconter ton expérience? Bah, c'est comme si j'étais comme ça, tout bien, tout. J'étais comme ça, tout bien, en paix, et puis mon âme est sortie du corps et je l'ai attrapé. Tu l'as attrapé comment? Comme ça, j'ai avancé, quoi. Tu l'as attrapé avec tes mains ou avec... Non, j'ai avancé, et puis elle est rentrée en mode tout seul. Je te jure, voilà, tu me crois? Moi, je te crois, hein. Mais tu t'es où? À quel moment ça s'est arrivé? Quand tu t'es où? Ça s'est arrivé chez moi. Chez toi? Ouais, chez moi. Récemment? Ouais. Non, pas récemment, il y a un peu longtemps quand même. Longtemps. Ton âme s'est échappée et tu l'as rattrapée? Ouais. Tu l'as remis dedans? Ouais. Comme un os cassé qui devait faire rentrer sur Ouais, mais ça fait pas mal. C'est pas comme un os cassé. C'est comme un peu comme quelque chose qui t'échappe et tu l'attrapes, quoi. Elle était de quelle couleur, ton homme? Il n'y avait pas de couleur. Ah ouais? Eh ben, c'est pour ça que je parlais d'aura positive ou négative. Donc elle est comment, ton aura, à toi? Il n'y a pas de couleur, il a dit. Oui, mais tu justement... Tu vois pas, c'est pas... C'est impossible à voir à l'œil nu. Ah. Il faut un microscope, quelque chose comme ça, moi, je pense. T'avais un microscope quand... Non, j'avais pas de microscope, malheureusement, sinon je pense que je l'ai revu, non, je rigole. Ouais, non, mais c'est une expérience intéressante. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi t'échappait, ton âme? Pourquoi elle s'est sauvée? Pourquoi elle voulait partir de toi, ton âme? Pourquoi elle voulait partir de moi? Ouais. Bah, c'est Allah qui voulait ça. C'est Allah qui voulait. Donc tu l'as dit, Allah, stop. Ouais, j'ai dit stop. Et si c'est Dieu, que se produit-il? Bah, Allah, c'est Dieu. Allah, c'est Dieu. Oui, forcément, oui. On ne peut pas dire stop à Dieu normalement, non? Bah si, la preuve, il l'a fait. Ah, il est fort, Allah. Il est très fort. Bah, c'était pas son moment, peut-être, non? Tu sentais pas que c'était ton moment pour partir? Tu pensais que tu allais mourir, tu pensais quoi? Je pensais que j'allais rester sur Terre. Et je me suis forcé à penser ça, que je vais rester sur Terre, je vais pas mourir. Et du coup, je suis pas mort. Et les gens qui meurent en s'étant endormis, puis ils se réveillent tout d'un coup. Ils se réveillent, ils sont morts. C'est la même mort que j'ai failli avoir. Mais je pense qu'il y a forcément un moment auquel on doit partir, hein, si on tient compte de ce que tu viens de dire. C'est comme si on avait une existence prédélimitée, comme si on était né avec une date de mort certaine, en quelque sorte. Avec quoi? Avec une date pour mourir, mais... Ouais. Mais qu'on ne connaît pas à l'avance, bien sûr, sinon ça serait épouvantable. Non, plus 20 ans, ça c'était avant. Pour les croyants, c'est ce qui est dit. Dans la religion monothéiste, c'est ce qui est dit, la date de la mort n'est pas connue. Ouais, exactement, elle a tout dit. Mais donc la date de la mort n'est pas connue, on peut mourir à n'importe quel instant. Et toi, tu t'es sauvé? Ouais, mais moi je me suis sauvé. Parce que tu crois au paradis, peut-être. Parce que je crois au paradis sur Terre. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Oui, parce que sinon, tu aurais dit, bon, je pars, hein, le paradis est ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, si on commence à parler de sous-terre, je sais pas, on peut parler aussi de momification, d'Égypte... Le soleil te frappe fort, le soleil te frappe à la tête, ça fait du bien, C'est posé dans le soleil tranquille. Tranquillou. Ouais. Toi, tu crois au soleil ? Martin. Il y a certaines civilisations qui pensaient que le soleil était un dieu. Martin. Ouais. Moi, je crois pas que c'est un dieu, le soleil. Parle au micro, là. Parle au micro. Et Martin. Moi, je crois pas que le soleil était un dieu. Freestyle, Martin. Vas-y, je me sauve. Je peux plus. Ah, tu as comme ça là. Vas-y, vas-y. Continue. Moi, je crois pas que le soleil soit un dieu. Ni toutes les statues et. Comme ça là. Et cetera. Le dieu, il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Il est tout là-haut et quoi ? Le dieu, il est tout là-haut. Ouais. Il n'y a pas de représentant plus proche de nous ? Le soleil, c'est quoi pour toi ? Le soleil, c'est juste un outil que Dieu il a créé pour illuminer la Terre ou réchauffer la Terre. Un astre qui nous réchauffe. Ouais, qui nous réchauffe, ouais. Qui nous illumine. Ouais. Et toi, tu crois en quoi ? Moi, on va dire que je suis plutôt athée, mais je suis quand même baptisée. J'ai fait ma communion confirmation également. Mais je pratique très peu. Il m'arrive simplement de rentrer de temps en temps dans les églises pour voir notamment les vierges à l'enfant. C'est à peu près tout ce que je regarde. Je mets de temps en temps un petit lampion, une bougie. Je pense à ma famille au passage. Je mets un petit mot dans le livre et je ressors. J'essaie de ne pas oublier en rentrant, de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que parfois j'oublie. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Ok, ok, c'est intéressant comme sujet. Attends, prends le micro. C'était intéressant comme sujet, mais il faut que ça se termine vite, là. Il faut que quoi ? Il faut que ce sujet se termine rapidement, le plus rapidement possible. Pourquoi ? Ok, c'est toi. Ok. 1, 2, 3. C'est vrai. Okay. Lui qui veut peux parler moi aussi ce qu'il a parlé. Moi aussi je peux parler. Ouais, vas-y, on parle, on discute. Moi t'as parlé, moi aussi j'ai parlé, frérot, c'était bien aussi. Moi quand j'étais petit, quand j'avais 1 an, j'étais 98, je suis parti en Inde. Que moi j'ai d'origine vietnamien aussi, je suis vietnamien de l'Inde aussi, j'ai 2 origines. Tu vois, mon grand-père c'est un ancien combattant et il est mort au pays en 97. Non, 90. Moi je suis parti au pays en 98. Ma grand-mère était plus là. Ouais. Moi j'ai vécu des trucs aussi. Moi je suis parti au pays en 98, je suis parti baptisé. Nous on prend le rasoir, on coupe tous les cheveux au pays, c'est une culture, un truc à notre pays. On lève tous les cheveux bouclés, on met dans une boîte, après on met dans l'eau, tu vois, l'eau bénite, on met là-dedans, ça part là-bas. Là, c'est notre culture à nous, tu vois. Et quand j'étais petit, on a rasé tous les cheveux, j'étais bouclé, on a rasé. Et j'étais baptisé au pays, dans une église, au pays. Parce qu'en Inde, moi je suis en Inde, de l'Inde, nous c'est Pondichéry. Quelle ville, hein, Pondichéry ? Pondichéry, Pondichérien et vietnamien où je suis. On a baptisé au pays quand j'étais petit. Et moi je suis baptisé au pays en Inde. Hein. Toute la famille, il y a eu la famille, tout ça. Et mon père il a pris la cassette, il a montré. J'ai dit, papa, c'est vrai, je suis baptisé au pays, j'étais baptisé là-bas dans une église. Moi quand j'étais baptisé dans une église, pas évangélique mais chrétien, tu vois, catholique. Moi j'étais baptisé là-bas 1 an, tu vois. J'ai fait ma communion et tout quand j'étais petit. Tu vois. Parce qu'en Inde, ouais. Tu as plusieurs religions. Il y a chrétien, musulman, il y a tout. Moi, je suis catholique, moi. Et t'as vu ton père mourir, c'est ça ? Mon grand-père, il est parti en 90. Mon père que j'ai aujourd'hui, ouais. Qui a 58 ans, ouais. Mon père, il a occupé de son père. Okay. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus bouger, même pas faire ses besoins. Tu vois, mon grand-père, il est parti, ma grand-mère. Moi, j'ai vécu des trucs, moi, j'ai souffert. T'as vu, c'est pour ça aujourd'hui, je suis comme ça, je suis déprimé des fois. Mais moi, j'ai une question, monsieur. Ouais, dis-moi. Si le paradis n'est pas sur Terre et il est ailleurs, ouais. Donc pourquoi est-ce que vous êtes malheureux que votre grand-mère soit partie ? S'il s'agit de réincarnation, il y a un enfant qui, semble-t-il, se souviendrait d'une maison qu'il aurait occupée en Irlande, il y a très longtemps, et qu'il aurait retrouvée. Vraie question, non ? Tu veux dire quoi encore ? C'est quoi que tu veux dire ? Je veux dire que si vous êtes... pourquoi est-ce que vous êtes malheureux ? Que votre grand-père ou grand-mère soit parti, si vous dites que le paradis n'est pas sur Terre, il est ailleurs, faut être heureux. Est-ce que j'ai le paradis existé ? Je sais pas, le paradis ça existe, j'ai pas dit ça, j'ai dit moi j'ai perdu de la famille déjà. Moi, c'est pour ça aujourd'hui. Bon, on est tous pareils, on a tous perdu de la famille, mais bon. Mais un jour, faut patienter, un jour viendra. Un jour, tout viendra. Je sais, mais moi, des fois, je pense à ça. Moi, je suis pensif déjà. T'as vu ? Mes parents, ils m'ont fait naître, tout ça. Ils m'ont fait grandir. Maintenant, moi, je travaille. Je fais plaisir. Moi, t'as vu ? Quand il y a le 25 décembre, moi, je fais plaisir à mes parents. C'est eux qui m'ont élevé, c'est eux qui m'ont fait grandir. Tu vois ? Et les parents, c'est sacré, les parents. Il faut faire plaisir à leurs parents. Il faut faire beaucoup plaisir aux parents. C'est eux qui t'ont créé, c'est eux qui t'ont mis sur terre, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont mis la graine, tu vois. Les parents, c'est très très important, il faut faire plaisir aux parents. Donc c'est important la joie dans l'existence. Ouais, la joie c'est important. Aussi faire plaisir beaucoup à sa famille. Ça c'est la famille, c'est très très important dans la vie, tu vois. Après on peut pas généraliser, hein, MTR. Ouais. Pense à ceux qui n'ont pas de parents, qui ont grandi dans des foyers. Ouais. Pense à ceux qui ont grandi dans des orphelinats, ouais, c'est vrai, ouais. Des gens qui sont mis sous tutelle. Même Louane, je viens d'apprendre un truc récemment sur elle. Ou curatelle d'ailleurs. Louane, la petite chanteuse là, de The Voice. Ouais. Elle a perdu sa mère juste avant de sortir son album. Ah ouais, putain. Tu vois la force qu'elle avait pour pouvoir réaliser un album qui a fait au moins disque de diamant. Elle a perdu sa mère juste avant. Moi perso, si je perds ma mère, je peux pas faire disque de diamant après. Ouais, je vois. Tu vois le délire ? Ouais. C'est bon là, je vais faire de la musique là. Ouais. Martin, c'est quoi, on fait le freestyle, Martin ? Ouais, là c'est. Attends, Jérémy, finit son introduction, tu as introduit tout le monde ? Ok. Il manque d'une, non ? Dune, tu l'as déjà parlé. Ouais. Martin, c'est quoi ? On revient chez les vivants. On revient chez les vivants. on revient chez les terrestres. Donc on a vu, ok, on l'a vu. Ambre, tu as pas dit un mot. Vas-y. Ok. Bonjour. Je passe comme ça. Je sais pas si on m'entend. Ouais, parle fort. Bonjour. Bonjour, Ambre. Bah, c'est déjà un mot déjà. Ouais. Bonjour. Tu peux le dire dans d'autres langues si tu veux aussi. Dans quelle langue ? Anglais ? Hello. Japonais ? Je sais pas. Russe ? Je sais pas non plus. Espagnol ? Hola. Italien ? Bonjour. Allemand ? Yeah. Et je sais pas. Portugais. Algérien. Je sais pas. Vietnamien. Je crois que j'ai atteint. C'est le pays de mon grand-père, vietnamien. C'est la limite. Donc ok, donc on a entendu. Comment tu t'appelles ? Sylvie. C'était Sylvie pour. Hola, ce sujet assez morbide, la mort et la faucheuse. Ouais, on parlait pas de la mort, on parlait de paradis. C'est pas, du paradis. C'est pas forcément mauvais. Du paradis, de l'au-delà. Et on a... Naïe. Je te laisse te présenter alors. Naïe. Je me présente, je m'appelle Naïe. J'ai 27 ans. Et voilà quoi. Et attention, MTR et CJ. Non, moi je rappe. Il y a une rappeuse hein, maintenant, il y a une rappeuse dans le cercle, il y a une rappeuse. Hein, donc mettez la barre haute. Hein. T'es quelle année ? Elle est très très forte. Elle est très très forte. T'es quelle année ? Moi je suis une 96. Et toi ? Moi c'est 97. Ah ok. Ouais. 96 ? Ouais, donc je suis plus grande que toi. Ah ok. Textuellement, là, du niveau, donc va falloir mettre ta barre haute. Hein. Ouais, t'inquiète MTR, pas. Ouais, je te fais confiance. Ouais, t'inquiète pas. Ok, bah. Montre-nous. T'inquiète pas. Montre-nous. Ok, vas-y. Ah, j'ai chaud là. Au secours. Là. Tu veux l'instru ? Vas-y. Ouais, mets l'instru, c'est bon. Ok, on revient sur le terrestre, rap terrestre. Ça. Instru quoi ? C'est un rap parasite. Drill, trap. Rap, trap. Vas-y CJ, on est attentif à ta musique. T'es prêt ? Attends, j'ai cherché une instru. Je voulais vous interpréter une chanson de Louane. À venir. Eh hey, Mohamed, ça va ? C'est. Bonjour Mohamed. Tu peux commencer ? Oui, je peux commencer le temps que tu vas-y. Ça va, Brett? Est-ce que tu veux t'asseoir, Mohamed? Tiens, assieds-toi là, j'ai une place là-bas. Ça a marché, ouais. Mohamed, il vient à toutes les radios maintenant. On rentre très son, l'équipe. C'est qui le son? Ça bouge pas. Comment? C'est qui le son? Au micro, il marche pas. Si, ça marche, mais, le micro. Ah, je sais pas. Ah, si. Si je peux me permettre, on peut revenir quand même sur la réincarnation. Ouais, on va après les rap. On si, revient. Garde-le en tête. On va revenir. Non, c'est un sujet celui-là. Tu veux l'instrument? Romé. On va revenir. Celui-là. Celui-là? Ouais. MTR 93 d'équipe. C'est là, ça bouge pas. J'ai un petit son, mais c'est du rap, mais du rap. Tu vois, léger, tu vois. T'as écrit ? Sur ma jeunesse, tu vois. T'as écrit ? Voilà. Non, tête. C'est du taille, le son ? Quand j'étais petit, j'étais prématuré quand je suis né sur Terre. Ah, écoute l'instru. J'avais plein de... Hein ? Écoute l'instru d'abord. Écoute. Écoute. Ouais, j'entends, ouais. Écoute les BPM. MTA 93 sans l'équipe. Quand j'étais né, j'ai prématuré. Je suis né comme ça quand j'ai grandi. J'ai fait plein de bêtises à l'école, partout. J'ai regretté tous les jours. Quand je travaille, je pense à ma famille. Je regrette les bêtises quand j'ai fait à l'école quand j'étais petit. Je regrette beaucoup. Maintenant, je suis un homme, je travaille, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis un 97. Mais là, ça compte pas, c'est la maturité qui compte. Quand tu travailles bien, tu gagnes dur. L'argent ça gagne, mais quand tu penses à ta santé d'abord, viens sur terre, que Dieu te protège. Pense à toi, pense pas aux autres, quand tu y crois, tu es croyance. Les collègues c'est important, faut penser à sa santé et ses collègues d'abord. C'est comme ma famille d'abord, faut penser à sa famille et ses amis et tout le monde. D'abord c'est toi, quand tu penses à toi, mon âme, mon esprit. Quand je pense c'est Dieu qui est là, il nous réveille. On est croyants, on est parti à l'église pour se prier. Toutes les origines, c'est comme des frères et sœurs. Il faut être comme, on est une couleur différente. On est tous des couleurs, comme une arc-en-ciel. J'ai vécu plein de moments difficiles. Je regrette les bêtises que j'ai fait. Aujourd'hui j'ai 27 ans, pas 28 ans. Mes parents sont fiers de moi, je suis fier. Quand je travaille, mes parents se sont fait plaisir. Parce que moi je fais des cadeaux. Quand je vois mes parents, ceux qui me donnent la vie, j'ai de la graine. Ils m'ont donné la graine quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. 87-2025. 40. Non, chef. 40. Aujourd'hui, je suis fier de mon travail. Je produis le travail. Quand je fais sandwich au travail, je suis très content. Ma chef est fière de moi quand je travaille. J'ai une fierté. C'est comme la France. Tout le pays. Tout le monde. On est tous humains. On n'est pas parfait, mais on a des défauts et des qualités. C'est ça qu'on est. C'est Dieu qui est grand. Moi, je sais. J'ai le prénom de Dieu parce que moi, je suis un humain. J'ai fait des bêtises auparavant, mais aujourd'hui, je regrette. Je suis un homme fier. La fierté, c'est d'abord. C'est comme... On a vu tous les gens qui font des bêtises, mais c'est pas bien. Faut pas reproduire. Faut être solidaire et être un humain, une personne. Quand on voit tout le monde, c'est pas pareil. Tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est pas bien, faut pas reproduire. Quand tu es humain, reste humain. Tu es comme un dieu. Quand tu vois sur terre, tu passes. Et quand tu regardes l'esprit, c'est un arc-en-ciel, le soleil levé. Tu penses au soleil comme tu es toi. Voilà, c'est bon. Aïe. Aïe, aïe, aïe. NGR. Alors. Bravo, bravo. Et si on entend parler soleil. Attends, Mohamed, il voulait chanter aussi. On pense. Il a dit couscous. Tu peux lui prêter le micro à Mohamed? Tu peux lui prêter le micro là? Si on pense au soleil, Martin. Alors c'était comment? C'est très bien, vraiment très bien. Vraiment c'était bien. Très très bien. Un bon flow, un bon flow. J'ai un peu chaud. Parce que t'as tout donné. C'est bien. Bon l'équipe, vous avez aimé ou pas le freestyle? Ouais. Bon l'équipe, je vous laisse. Ben à la prochaine. Prenez soin de vous et puis voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse l'équipe. Vas-y, à tout à l'heure. Merci. Vas-y, Martin, je te laisse. C'est très bien. Là, je suis fatigué un peu, je vais partir. Là. Ouais, c'était très bien. Je suis trop fatigué là. C'est Martin. Vas-y, hein. L'équipe, allez, bonsoir à vous, prenez soin. Salut. Voilà, Repter, toute la poésie. Et, il a bien rappé quand même. Hein. Ouais. Ça a amélioré un peu. Mohamed, tu voulais nous dire quoi? Mohamed, tu veux quoi? Bon, Mohamed va parler après. Tu voulais parler En plus, c'est de tête quand même. Je disais que, comme on a parlé d'Égypte et de réincarnation, je disais simplement que le soleil, chez les Égyptiens, s'appelle Ra. R avec le A, accent circonflexe, et puis réincarnation, c'est les bandelettes, la manière dont ils momifiaient, la manière dont ils enlevaient les organes, c'est ce genre de choses. Ra, c'était dans le bas Égypte, je crois, et Amon sur le haut Égypte. C'était deux noms différents, mille fois par an, ils se réunissaient. Oui, ouais. Ramon. Oui, là-bas, entre la basse et la haute Égypte. Ouais. Oui. Tu vois, c'est réunissé pour montrer justement que c'était le même. Ça peut être différent une fois par an, mais non, c'était le même. Bravo, mais tu pars tout de suite, mais reste un peu là. Tu voulais nous parler. C'est pas fini. Pas fini. Bon, CJ, tu es prêt là? CJ. Es-tu prêt, CJ? Une chanson. Je voulais chanter une chanson vas-y. De Louane à venir. Ok, vas-y. Tu veux un casque? Que j'ai écouté, que j'aime beaucoup. Mets-toi un casque comme ça. Ouais. Il y a pas un micro comme ça, je peux la baquer si on veut. Si, attention, les gars. Je peux chanter à cappella aussi. Si, regarde, Jérémy. T'as pas envie de chanter ce soir? Je peux chanter à cappella. Jérémy va t'aider en faisant le freestyle. Alors, chante devant le plateau. Mohamed, tu as trouvé le livre? Mohamed qui cherche un livre. Mohamed, le chercheur d'or. Depuis 2 ans, il cherche un livre. Il l'a pas encore trouvé. Est-ce qu'il va le trouver un jour? Je pense qu'il va falloir qu'il l'écrit à lui-même. Je pense aussi, oui. Avec ses propres pages. C'est un livre qui a des particularités. C'est un livre magique. Ouais. Pourquoi tu bois? Pourquoi tu veux pas rester? Reste. Regarde, tu vois ton âme ici. Tu peux jouer la musique si tu veux. Elle te dit de t'asseoir. Mon âme me dit de ton âme, il s'en va déjà. Ton âme, elle te dit de rester. Ton âme, elle te dit de rester. Rattrape ton âme là, elle veut rester. Ouais, elle veut rester. Rattrape ton âme. Voilà. Ok, on rigole hein, ici, c'est sympa. Il n'y a jamais d'être trop sérieux dans les choses. Il y a toujours de l'humour, de la joie. Bien sûr. Allez, Niaye, on t'écoute. Il y a avec Jérémy qui fait le bac. Je voulais chanter Booba, Wesh Moré. C'est plus louage. Non, j'ai changé ta vie. J'étais au foyer à Boulogne-Billancourt, étant petite. C'est un bien grand mot. Mais j'étais au foyer à Boulogne-Billancourt et j'ai beaucoup écouté du Booba. Et là, j'ai envie de chanter Booba, Wesh Moré. Ok. On t'écoute. Vas-y. Ok. Sois pas timide. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, oui, c'est vous. Tu dis de la merde. Ouais, on s'en bat les couilles. Nous, c'est Thug Life. Easy, all eyes on me. Nous, c'est Thug Life. Wesh, Moret. Wesh, Moret. Wesh, Moret. Wesh, Moret. Easy. Willy Denzé. Willy Denzé. Son petit est faible. Perdu de vue. Willy Denzé. Willy. T'es caressé au boulot. Je rentre de la street, je ne suis jamais rentré du boulot. Je te regarde en tout petit parce que je te regarde du hublot. Boss du rap game. c'est pas nouveau. Au-dessus comme un Schler, armé comme un Yugo. Bust your up game, c'est pas nouveau. Avant l'heure, je suis déjà passé. Tu prends tes clics, tu niques ta mère. Tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. On s'en bat les couilles, I can tell me. Nous c'est thug life, easy all eyes on me. Wesh, moret, wesh, moret, wesh, moret, wesh, moret, easy. Willy Denzé, Willy Denzé, son petit est faible, perdu de vue, Willy Denzé. Willy, ce sera tout pour moi. Willy, Willy. Bravo, mademoiselle. Willy, Willy. Je peux chanter aussi, je peux chanter. J'ai chanté aussi. J'ai chanté Louane, là. J'espère que tu vas partir et que tu vas bien souffrir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Bravo, on y est, très bien. On continue, on continuera à travailler son, t'inquiète. Il y a du niveau qui s'installe. CJ. CJ, on t'entend, on t'écoute. T'as combien de temps de préparer pour trouver le truc? Je vais faire un ancien son. Un ancien son qu'il faut aussi. Vas-y, vas-y. Attends. Je sais pas si je me rappelle des paroles. J'ai le cœur d'un griot, je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa willow. Tisme et Géchard, je la monte, fait charger de kilos. Monte Carlo, elle bouffe la graille du resto. Elle bip pénave quand je suis avec les pélos. Christian Dior, Vuitton fuite au télo. Elle rend narvalo quand y'a jalousie. Mais c'est doux, je me noie dans sa poussière. J'ai la CB, je me fais aucun souci. Elle et moi, entre nous, c'est l'amour vache. Si c'est narval, on tournera la page. Tu connais ces goûts-là, font toutes les stars. Je lui fais un boulot. Je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa willow. Tisme et Géchard, je la monte, fait charger de kilos. Monte Carlo, elle bouffe la graille du resto. Elle bip pénave quand je suis avec les pélos. Christian Dior, Vuitton fuite au télo. Elle rend narvalo quand y'a jalousie. Mais c'est doux, je me noie dans sa poussière. J'ai la CB, je me fais aucun souci. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oui, bravo, TJ. Oh, magnifique. Maintenant, tu peux chanter une chanson à toi? C'est mon son, ça. Ah, c'est toi? Mais ouais. C'est moi. Ah, je pensais que tu fais un cover, désolé. Hein. Non, c'est moi. C'est tu vas vite maintenant, tu composes une chanson par semaine presque. Non, mais ça, c'est de mes anciens sons. Ah, alors, vas-y, une nouvelle alors. Un autre ancien? Ouais, un autre. On va chanter l'autre là. Je Je l'ai marqué comme un but. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Arrête, arrête. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. C'est léger, gob, t'es en topless. J'étais en pierre, elle m'a démal à selle. Pour le faire, on se dit pas s'il te plaît. Jalouse, elle peut casser des verres. Je disais à mes potes que je voulais te plaire. Le soir, je me ramène à l'hôtel. Je faisais du cash, on comptait l'oseille. Elle guette mon snap. D'un coup elle est verte. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. CJ, ça fait un bail, mais non, je te plais. La rue, c'est dans mes gènes. J'aime ton boule, ta BBL. CJ, ça fait un bail, mais non, je te plais. La rue, c'est dans mes gènes. J'aime ton boule, ta BBL. Bravo, oh, bravo CJ. Cool. Magnifique. Excellent. Bon, on continue ce programme, Jérémy. Ouais, ouais, je vois si je trouve un truc. Sophie, bienvenue, hein, tu peux venir parler, là, t'es un casque, un micro. J'ai du mal à trouver un truc adapté. Je peux te mettre là. Ben oui. Tu as la place. Juste deux, trois secondes. Alors, Dune, que tu penses quoi de tout ça ? Je trouve que c'est très harmonieux. Je trouve ça très enrichissant. Chacun, en fait, exprime des idées, des pensées, des débats sur la vie, sur la mort, sur le paradis, sur les impressions que chacun a, la famille, les valeurs de travail et la santé également. Puis les rap, bien sûr, avec les improvisations qui sont de mieux en mieux, d'ailleurs, je trouve. Pour ce qui est de MTR, où en fait il se livre davantage, je trouve, et il se lâche. CJ, ben, rien à dire, hein, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Vraiment, l'impro, il est fort, et dans ses réalisations, on attend juste des nouveaux sons de sa part. Hein. Mais on est patient, on est là. Non, je trouve que vraiment, c'est une belle, un beau partage, une belle après-midi. Good vibes. Ouais, j'ai trouvé un truc, okay. C'est bon, j'ai trouvé un truc. La flemme de trouver un régime sur ça. Je vais le faire en AKP. C'est un slam ? Non, moi je suis pas slammer hein, à la base. C'est un poème ? Ouais, je suis ni poète non plus. C'est quoi alors ? Un c'est son ? Du rap. Ah, c'est du rap. Bon, le rap, c'est une sorte de poème, hein, quelque part. Hein. Ah ouais ? Bah oui, c'est très poétique hein, pour certains textes. Nique ta mère, c'est poétique. C'est une façon provocatrice de dire à la société qu'on n'est pas d'accord avec elle. Ok. Ouais. Ok. J'aime bien. On y va. Ok. Je fais de l'ego trip, quand bien même trip mon ego. Trip. Je fais de l'ego trip, quand bien même trip mon ego. Ok. J'écris, plus un de te demander qui est le king, quand mon public crie, mon S-O-N brille. Je suis un soleil de nuit, ni gentil ni méchant, je dois gérer mon temps, l'argent et les bises tout en même temps. Sur une séquence, j'ai des conseils qui comptent de me test. Ma force est comme l'Everest, mes rimes s'exportent ouest et est. J'ouvre des portes qu'ils aiment ou détestent. Wow, bah oui, tu ne fais pas le poil, c'est le Renoir hors game, plus gang que gang, mais d'autres que moi. Je respire un flot à 10 000 degrés Celsius, je récupère tes fans et tes groupies si elles consensus. La police s'exagère pendant qu'on ruse. La France n'est pas la rue. Si, depuis que je suis calme, je n'ai plus besoin du zi, mieux vaut être lucide, en soum-soum, pas noyé, pas là pour faire les choses à moitié, de la sueur sur le poignet. Pas là pour faire les choses à moitié. On me parle de 20%, je suis à moins 10%. Devine qui est le pur sang, comme bac à 100%. Avec les meilleurs samples. Je garde mon butin près de mes zig, la récompense près de mes zig, les braqueurs encore plus près. Le jour, mes rêves deviennent plus vrais. Mes ambitions sont des rêves que je dois réaliser. Mes ambitions sont des rêves que je dois réaliser. Réaliser. C'est faire comme on peut. Au pire, tu fais comme tu veux. C'est faire comme on peut. Au pire, tu fais comme tu veux. Tous singuliers à notre manière afin de former un pluriel. Pourquoi se faire la guerre à des fins meurtrières? Ok. J'enchaîne avec un autre truc. Ouais, bravo. Roger Mia, c'est bien. Ça, c'est pour mes élèves de demain. Ok, ça c'est pour eux, comme l'éduque nationale. Ok. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour rien. Quand le public crie merci, je lui dis de rien. Que ce soit hier ou demain, je resterai sur le même chemin. Depuis l'époque des billes, j'aimais lire pour retrouver un guide. On m'a appris à manier stylo bien avant le micro. J'ai su aller styler mot avant d'aller au studio. Désormais, je redonne ce que j'ai appris, pas uniquement à la patrie. La vie est dure, parfois happy. Welcome to the party. Premier pas dans l'académie, les cours et la camaraderie. Premier pas dans l'académie. Waouh, Jérémy. Tu es à capelle, là, tu es fort, là, tu fais sans rien. Ouais. C'est excellent. Bravo. Alors, Dune, qu'est-ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui? Et vous, madame, qui vous êtes là, cassée au fond, venez parler au micro, là. Prenez votre place. Voilà, mettez un casque et parlez. Donc, j'observe. Bon. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui? Il n'y a rien à raconter, je viens d'arriver, donc j'observe. Mais j'ai entendu dire que vous avez parlé du paradis, de ouais. Le rapport à la famille, c'est ça? Oui. Pas entre autres, oui. Des gens qui pensaient que le paradis était sur Terre, des gens qui pensent que le paradis est ailleurs. Et vous, docteur, vous pensez que c'est où le paradis? C'est ici, maintenant. C'est la radio Métanoïa. Si le paradis n'est pas là, c'est pas la peine. Il faut que ça, chaque moment, ça soit un paradis, en fait. Et votre rapport à la famille? Famille normale ou désaxée ou... Bon, je sais pas. Mais c'est pas à moi de parler maintenant, c'est à vous. Que vous pensez quoi? Je ne sais pas si on peut utiliser le terme normal dans une famille. Ouais, je suis d'accord. Voilà, mais on s'en passerait bien quelquefois de certains membres. Quoi? Non, mais je suis d'accord. Ah d'accord, et mais sans l'ombre d'un scrupule. Hein. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Moi, il peut y avoir des gens toxiques dans une famille, ça peut exister. Elle est toujours d'accord avec moi, cette dame. J'arrive à lui faire... Oui, c'est vrai, il y a toujours des gens... C'est vrai. Il y a des personnes des familles qui sont toxiques. Voilà. Après, bon, on peut pas les refaire. Hein. Mais bon, les voit, mieux on se porte. Ou pas. Enfin, voilà. Ouais. Mais après, pour dire une famille normale, ça me fait penser à la publicité Ricoré. Vous savez, le café Ricoré? Non. Mais si, la pub Ricoré, où la famille était toute belle, bien habillée, ils prenaient le café, ils avaient le sourire, les oiseaux chantaient. Moi, je vois plutôt la... Là, le soleil voilà, vient de s'élever, encore une belle journée. Il va bientôt arriver. L'ami Ricoré. Voilà, et la famille était toute belle. Tout le monde était beau. Tout le monde souriait. Mais en vrai, ça n'existe pas. Ouais, à chaque fois, je vois. À chaque fois, je voyais cette pub et je regardais mes grands-parents. Je faisais, mais c'est pas possible. Ben non. Il y a un truc qui va pas. En plus, selon l'époque, on déjeune pas de la même manière. Ouais. Moi, ma grand-mère en Bretagne, elle faisait de la soupe de pain. C'est vrai. Oui. Ça, c'est bon, ça. Tout à fait, oui. Et puis, maintenant, ça se fait plus du tout, quasiment. Soupe de pain. Oui, du bah, elle trempait les croutons dedans aussi. Mon grand-père, elle m'a fait ça. Ouais, oui, oui. Voilà. Parfois, moi, elle m'a rajouté du lait, mais elle n'en prenait pas. Dans la soupe voilà. Oui, la soupe de café et de pain. Ou ouais. Moi, elle me rajoutait du lait en poudre, mais elle n'en prenait pas de lait. Non, mais si, c'était une soupe de croûtons, on va dire. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. On va. Ouais. Si, on m'avait fait ça aussi une fois. Ok. Edune, tu étais en train de parler quelque chose. Tu vois, ça l'intéresse vachement. Ok, Sophie, merci. Non, mais je pensais que tu avais fini, mais c'est pas... Mais oui, j'ai fini. C'est pas... J'ai fini. Tu peux continuer. Hein, non, j'ai fini, docteur. Non, mais c'est intéressant, mais là, c'est vrai qu'on a parlé plein de choses au début. Mais je parlais... Oui. Sur ça, sur le rapport au temps, sur le rapport à la joie. Et j'arrive à la fin, donc comme vous me dites de rajouter un truc, ça fait un peu bizarre. Non, c'est très bien. Non. Donc, qu'est-ce voilà. que tu penses, donc, Dune ? Moi, je pense que les compositions familiales et les structures de personnalité sont aléatoires. On voit pas, il n'y a pas de famille idéale. Quand on se penche un peu, petit, on idéalise nos parents. On n'est pas du tout conscient des enjeux qui se jouent dans une famille. En grandissant, on voit certaines choses qui sont pas très cohérente, mais en grandissant, on désidéalise en fait les parents et on se fait un autre regard sur eux, on porte un nouveau regard sur eux. L'adolescence est une période charnière où on s'oppose. Il m'agace, moi il me stresse avec ses allées. Tu préfères là ? Ah là, ma foi, là, oui, ma foi, normal. C'est pas ça, je chauffe. Ouais. C'est Mohamed, notre cousin Ali, à Nantes. Ah non, mais attends, mais le casque. Je dirais qu'il n'y a pas de parents mode d'emploi. C'est très difficile de poursuivre avec ces agitations. Vas-y, Mohamed. Vas-y, Mohamed, tu peux parler au micro là. Tu cherches quoi dans la vie ? L'autre taré. Non, mais tu penses quoi du paradis, Mohamed ? Vas-y. C'était intéressant, Dune. Oh, t'es un amour, Sophie, merci. Non, mais je c'est suis vrai. Perturbée par. C'est franchement. Donc, je peux pas. Et franchement, le film, il est. Ce que tu disais, c'était. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser nos parents. Il y a des choses dans notre... non, ta gueule, toi. Il y a des choses qui peuvent nous sembler instables dans notre famille ou incohérentes. Voilà. Il n'y a pas de schéma type. Donc, on les voit comme des surhommes. Merci, ma belle. On les voit comme des surhommes ou des femmes héroïnes. Mais oh là là. Regarde qui est là. Docteur Serra. Bon, moi, il m'a interrompu dans ce que je disais. Voilà. Bon, voilà, mais notre chroniqueur de la gastrosophie qui arrive là, il va nous parler rapidement. Mohamed, attends, écoute, c'est ce qu'il va nous dire. T'as dit le mot de la fin. Chroniqueur. T'as dit un truc sur la famille ou pas ? T'as dit un truc sur la famille ou pas ? Tu peux. T'as esquivé encore ? Le casque là. Ouais, voilà. Il reste une minute. Tu as une minute, Pedro. J'ai un message secret codé de la part de maman de Mélina. Mmh. Une chanson qui pourra être diffusée par la radio Metanoïax. Ok. Vous allez chanter alors ? Non, non, c'est un message. Ouais, c'est qui okay. Mélina ? C'est qui Mélina ? Mélina, c'est la fille de. Elle l'entendra. Ouais. Elle sait qui c'est. Qui a vu ça ? Camarón de la isla. C'est pour la fille de Mélina. Alors dès que c'est pas ton son, t'es jaloux. C'est qui la fille, On a une minute avant de la fin. Peut-être. Alors je voulais aujourd'hui parler des pique-niques. Pique-nique au parc. Pique-nique au jardin. On a tous fumé. Une nappe à carreaux. Non, blanche, c'est plus joli. Une nappe blanche. Des serviettes en papier. Des gobelets en papier ou en plastique réutilisables. Des bouteilles d'eau, de jus et pour les amateurs. Est-ce que vous voulez nous sensibiliser sur le recyclage ? Oui. D'accord. Je suis très écologique. Allez-y. Parce que la Terre n'est pas infinie. D'accord. Nous sommes éternels, mais pas la Terre. Parce que la joie et l'amitié est éternelle. Et la générosité est éternelle. Mais le pique-nique, c'est un événement du printemps. Donc je vous invite, dans la minute qui me reste, à consacrer une partie de vos dimanches, ou de samedi, ou du temps libre, à aller pique-niquer. C'est souvent une très très bonne ambiance de discussion entre amis. On n'est pas très bien assis. Vous savez, on est assis par terre, on n'arrive pas à trouver. On sait Est-ce pas que vous avez des endroits de prédilection pour pique-niquer parce que oui, là, j'ai un endroit de prédilection. Les buts de Chaumont. Voilà, les buts de Chaumont. Je l'ai dit avant vous. Ça. Ah, c'est à côté de chez moi, j'adore ce parc. Je l'ai dit avant vous. J'adore ce parc. Les buts de Chaumont, je comprends pas. Parce que mon voisin, j'y suis pas allé. C'est la deuxième proposition qu'on me propose au buts de Chaumont. Alors, je vous conseille. Des Parisiens me disent viens, on va pique-niquer au buts de Chaumont. Je vous conseille un parc secret. Il y a une pelouse remarquable et en plein dimanche, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire, c'est le parc de Belleville. Ah, je tout le connais, il a une vue magnifique. Une vue magnifique, vous mangez en bas, vous montez les escaliers, vous regardez la tour Eiffel et vous dites « Salut Paris ouais. ». À côté, il y a un magasin vintage. Donc, je vous conseille à manger des petites choses. Vous voyez, il y a avec des les CD, doigts, il y a des téléphones. Avec les doigts, qu'on prend comme ça. Et pourquoi vous venez pas, docteur, au Pont Bondy ? Vous dites que vous êtes un, vous aimez bien rester dans votre quartier, mais là, il y a un parc. C'est à côté de votre boulot. Mais j'y vais souvent. Ah, d'accord. Ah oui, mais ça, ce sont des accompagnements amicaux. Vous voyez ? Mais professionnels en même temps. D'accord. Et c'est des prescriptions. Aujourd'hui, j'ai fait une prescription pour une balade au parc du bois de Bondy. Ah. Vous voyez ? Et le malade disait, non, je ne veux pas, je suis fatigué. Je dis, c'est prescription médicale, monsieur. Oh là là. Allez marcher, il est revenu, il était transformé, il avait le sourire. J'ai la même Donc, bon pique-nique à tous et vive la vie. Voilà. Merci. Vive le paradis. Ça, je me dis. Salut Merci le métanoïac, à la semaine prochaine. Ouais, c'était beau. Ouais, c'était la fin de vivre. Ouais, c'était la fin de vivre.